Sixième tableau, chapitre 3 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Courteline. Sixième tableau, chapitre 3. Sur le seuil hermétiquement clos de la crécelle, une demi-douzaine de badauds stationnaient la tempe tendue, avec des profils recueillis que laissait deviner la flamme d'un bec de gaz planté au bord du trottoir. Et le fait est que les coups de gueule de Dérouet, ces coups de gueule dont la renommée amenait chaque soir sur Montmartre de longues bandes vadrouilleuses affluant là des quatre extrémités de Paris, transperçaient les épais culs de bouteille de la porte, enjambait le trottoir, franchissait la chaussée, s'en venait expirer en appel lointain à l'oreille des voyageurs juchés sur le tramway de l'étoile. « C'est ici, entrons !» dit Lahrier, qui s'ouvrait le passage à coups de coude. Ils entrèrent, et ce fut l'explosion soudaine d'une amorce de fulminate sous le talon qui la rencontre. Une telle clameur saluait leur apparition qu'ils en demeuraient suffoqués, se demandant s'ils n'allaient point fuir, échangeant l'anxieux coup d'œil de gens d'esprit rationnel tombés dans une maison de fous. Des voix hurlaient « Chapeau, chapeau !» D'autres proféraient on ne sait quoi, des choses qui ressemblaient à des menaces et qu'achevaient de rendre inquiétante un assourdissement de sifflets suraigus et de cris de jars en détresse. Et même temps, trois sous-officiers sonnaient éperdument au champ. Plus haut que le fouillis inextricable des têtes, car du même mouvement spontané ils s'étaient dressés sur leurs bancs, on voyait la tache claire de leurs longues capotes, leurs bras levés qui tenaient le sabre, leurs vastes shakos d'ordonnance où un pompon rouge fleurissait. Et ainsi, sous comme des ânes, ils braillaient en trois tons divers, ceci au grand émoi d'un pianiste à gages qui tentait pourtant de les soutenir et dont les accords insensés se mêlaient aux abois furieux de deux jeunes chiennes, secouant leurs queues en panache parmi les verreries du comptoir. « Eh bien, en voilà un bousin !» s'exclama le chef du matériel. « C'est inouï, une boîte pareille !»« Nom de Dieu, voulez-vous fermer la porte ?» lança le trombone de Dérouet. « Faut-il que j'aille vous mettre la tête dans un seau pour que vous vous décidiez ?» Le patron de la crécelle était debout sur une table qu'il venait de prendre d'assaut. En des lacs de bière répandus, les semelles de ses bottes baignaient, et de la main, une main blanche et grasse, aux ongles roses de petit marquis, il faisait tournoyer dans le vide un énorme gourdin de hêtre. Entre le col lâche de sa chemise et les ailes déployées de son feutre, sa belle tête de chouan résolue apparaissait toute bleue aux joues. Lahrier ouvrait la marche. « Avançons !» lui jeta à l'oreille Gripotte, qui venait derrière lui et commençait à avoir peur. « Ce gaillard-là serait capable de nous faire marcher à coups de trique. » « Vous en parlez à votre aise, » dit Lahrier. « Enfin, essayons toujours. Quelle cohue !» Ils firent un pas. Les cris de « Chapeau !» redoublaient. Ils durent, pour avoir la paix, toucher les bords de leur coiffure, ce qui détermina un « Ah !» de soulagement, éternisé en point d'orgue. Ils se hasardèrent alors, se faufilant entre les tables, entrant de biais dans l'encaquement compact des consommateurs. Des rouets criaient. « Place aux miteux ! Serrez-vous donc un peu là-bas, vous n'êtes que 15 sur le banc. » Heureusement, un couple s'était levé, deux chaises libres. Ils s'en emparèrent en hâte et se les partagèrent fesse à fesse. Mais Bourdon s'étant plaint qu'il était trop serré, eut la joie de s'entendre huer bruyamment, tandis que Dérouet, dédaigneux, lançait à son garçon Maxime. « Maxime, vous me donnerez un galopin d'honneur au comte du gros lac épème qui élève des réclamations. »« Boum !» fit Maxime. Intrigué, « Le gros lac épème, c'est moi ?» demanda à Lahrier Bourdon. « Oui. Et pourquoi donc lac épème ?»« C'est de l'argot de boucher, ça veut dire paquet. »« Paquet ?»« Hélas, oui. Et puis un conseil en passant, inutile de regimber, ou alors garde les galopins. 21 sous le boc, je vous préviens. »« Fichtre !» Les ronds de cuir s'amusaient follement, riaient en silence à cet étroit coin de cabanon où tout, depuis la chemise écarlate du patron jusqu'au mirliton gigantesque que maintenait au plafond un fil imperceptible, semblait un retentissant défi éructé au nez du bon sens. Il le trouvait drôle, ce boui-bouillé. En somme, il y avait de ça. Le long des murs, dont les tapisseries en loques masquaient le plâtre entre leurs trous, des bassinoires et des plats à barbe couraient, mêlés à des guitares sans cordes, à des cadres sans toiles, à des toiles sans cadres. Auprès d'un soleil fantaisiste, fait d'un pot de nuit à son centre et d'un inégal rayonnement de haches d'abordage et de chibouk tunisien, un grand portrait peint de Dérouet le montrait en soldat du 113e de ligne, riant, dégustant un quart de vin sur un fond clair de paysage. Il n'était pas jusqu'à un gros chérubin de cuivre qui ne pria dévotement, agenouillé sur le piano, les ailes au dos et les mains jointes. Et tout cela, aperçu parmi la houle des têtes, distingué à travers un paquet de fumée comme un fond de mer artificielle à travers la vitre bouillassée d'un aquarium souterrain, faisait naître en leur esprit l'idée d'un capharnaüm de bric-à-brac où on eût vendu de tout, même de la chair humaine. Ils achevèrent de s'épanouir lorsque Dérouet, les poings aux hanches, annonça qu'il allait chanter à Courcelles. Immédiatement, un silence imposant se fit. Il semblait, quand Dérouet chantait, que sa clientèle communia. À Courcelles était la dernière production de ce cabaretier poète. Coulé dans le même moule où, depuis quelques mois, il en avait coulé tant d'autres, elle avait déjà fait son chemin, émigré de l'autre côté de l'eau, jusqu'en les équivoques sous-sols des brasseries de la rue Monsieur-le-Prince. Aussi bien, ne le cédait-elle à ses aînés en saveur ni en pittoresque, écrite avec la même fougue, la même crapulerie voulue, non exempte d'art, qui avait fait le succès d'Ajavel, d'Acharonne, d'À la Santé. « À Courcelles !» répéta Dérouet, le bâton plongé en la poche. « Et vous autres, tas de cochons, tâchez de brailler en mesure !» Des protestations s'élevèrent, il les releva comme il convenait. « Ferme vos gueules ! Silence aux personnes du faubourg ! Il y en a, ici, qui sont venus de Grenelle en carrosse tout exprès pour se faire traiter de charogne. Regardez-moi plutôt, là-bas, l'ambassadrice de machin-chose avec son miché et son mac. Va donc, vieille vache !» Ainsi parla ce philosophe qui, simplement, se résuma. « De la saloperie, tout ça. Donnez-moi le ton, monsieur Honoré, en fa dièse. » Monsieur Honoré préluda. Dérouet toussa pour se faire le creux et commença, d'une voix dont il exagérait systématiquement les intonations naturellement canailles. « À cause que je suis pas ben giron, et que j'ai les pattes comme un héron, on m'appelle bébé vermicelle à Courcelles !» hurla l'assemblée avec un touchant unisson. « Allons, c'est pas mal, il y a de l'ensemble !» daigna déclarer Dérouet. « Vous n'êtes pas si sous que vous en avez l'air. » « Ouh !» hurla le cœur. L'acteur d'À Courcelles poursuivit. « L'été bâché dans les terrains, j'écoute les machins des trains, meugler des notes de violoncelle à Courcelles. » Il attaquait le troisième couplet. « Je réchauffe l'hiver mes pâturons, à la braise des marchands de marrons. » Quand un farceur de l'extérieur fit jouer le bec de canne de la porte et, par l'entrebâillement, jeta en plainte lugubre « Tonneau, tonneau, tonneau, avez-vous des tonneaux à vendre ?» Dérouet, impassible, continua. « Je dégèle mes doigts sous mon aisselle à Courcelles. » J'ai du froid cuit chez le tripier, que je boulotte sur des bouts de papier. On n'est pas fort sur la vaisselle à Courcelles. Quand mon grimpant n'a pas de bouton. Tonneau, tonneau, tonneau, réitéra le braillard du dehors en rouvrant d'un violent coup de poing la porte que Maxime tout à l'heure lui était venu repousser sur le nez. Dérouet, que laissait froid cette scie imbécile, n'eut même pas un haussement d'épaule. Il dit, simplement, avec le plus grand calme, « Il commence à nous embêter, le marchand de tonneaux. Je vais aller lui botter les fesses. On va voir si ça va traîner. » Puis, au milieu d'acclamations enthousiastes, saluant cette déclaration, il acheva, sans avoir perdu le ton ni la mesure, « Et qui tombe sur mes ripatons, je le rattache avec une ficelle. » À Courcelles !» Il annonçait Moralité !» Mais au même instant, le bâton haut, la nuque renversée en arrière dans l'attitude ensemble héroïque et canaille du maréchal Ney au carrefour de l'observatoire, « À nous, messieurs » cria-t-il. Toute une smala, chantant la pomponnette, entrait. Des hommes, des femmes, des filles du coucou, du cocardi, du tircule, enlevés tels quels et fourrés de force dans des fiacres, avec leurs tabliers et leurs sacoches de peluche. Elle riait encore à chaudes larmes des chatouillades de la route, et cette entrée à sensation déchaîna un retour de tempête. De nouveau, la maison s'emplit de rugissements, de nouveau un bond effaré amena de pair sur le comptoir les deux chiennes qui étaient reparties ronfler dessous. De nouveau, les sergents-majors, un peu plus ivres à eux seuls que tout le reste de l'assemblée, surgirent au-dessus de la foule, dardant des pointes nues de leurs sabres une constellation de vieilles assiettes adossées aux solives énormes du plafond et cuites à ce point par le gaz qu'on les eût pu croire vernies de caramel. Le monôme s'allongeait toujours. Le chef de file, un grand diable à barbe de fleuve que pénétrait l'importance de son rôle, finit par aller tamponner le mur de fond de son nez qu'un binocle d'écaille chevauchait. Il ne s'en émut pas. Il commanda « Patrouille !» et toute la bande, gravement, se mit à marquer le pas sur place, au rythme nettement arrêté de l'interminable pomponnette. « Pendant qu'il partira, que son voisin s'apprête, pendant qu'il s'apprêtera, chantons la pomponnette, la pomponnette, la pomponnette, il filera, ah que le bougre a bien filé !» À son voisin de recommencer. Le roulis des chapeaux balancé de droite à gauche battait une mesure régulière. En même temps, les poings serrés frappaient les cuisses et cela rendait à s'y méprendre le pas sonore des dragons attardés qui regagnent le quartier la nuit par les rues noires de la province. Déroué, lui, sur ce chapelet de tête qu'il dominait, déversait les bénédictions. Il disait « Vous, v'là, et salaud, tas de cochons, qu'est-ce que vous venez foutre ici? Quel sale monde! Regarde-moi ces gueules de miteux! Maxime, fourrez-moi tout ça à l'institut !» Il désignait ainsi une façon de boyau situé en contre-haut de la salle principale et où s'en écoulait le trop-plein. On y tenait bien 8 en se serrant. Les miteux s'y logèrent à 15. Le reste se casa où il put, les femmes sur les genoux des hommes et les hommes au petit bonheur, au hasard des angles des tables et des bouts de bancs restés libres. Il en fut deux qui, faute de mieux, s'allèrent blottir sous le manteau d'une vaste cheminée Renaissance dont on avait enlevé les chenets. Alors, l'enthousiasme de Bourdon déborda. Mais où il ne connut plus de limite, ce fut quand, dans le noir de la porte, ouverte sur la nuit du boulevard, eut apparu la tête effarée d'un cheval, maigre rose que venait d'enlever la bande au brancard de son sapin. Il en muge de joie. Il se dressa sur sa chaise pour mieux voir et posa sa semelle sur le bord de la table pour soutenir son équilibre. Son équilibre. Fatalité. La table y laissa immédiatement le sien et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, ce fut l'écroulement général et de la table et de la chaise et de Bourdon, le tout dans un charivari de verres cassés et de bouteilles culbutées, tombées pêle-mêle des hauteurs d'une étagère à laquelle le chef du matériel avait tenté de se retenir. Déroué criait « Bougre de fourdeau, qu'est-ce qu'il fout? V'là qui casse ma boutique maintenant! Il la paiera, il la paiera! Maxime, vous allez faire le compte, et s'il ne casque pas, les flics !» Boum! Il en avait pour 56 francs. Bourdon dut s'exécuter. Il le fit en galant homme, pensant d'ailleurs en soi « Je m'en fiche, l'enterrement était aux frais d'administration, je compterai 2 voitures de deuil en plus. » Fin. Fin du chapitre 3 du 6e tableau. Fin de Messieurs les ronds de cuir de Georges Courteline.